De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Des outils de Noémie qui est facilitatrice relationnelle. Oui. Et qui chaque semaine nous donne des infos et des informations importantes comme la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est la communication non violente. Oui, en réalité, depuis le début, je vous parle des outils de communication non violente. Ça se mélange avec d'autres apports. Donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment qu'on prenne un petit peu de temps pour dire c'est quoi la communication non violente. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication non violente, Noémie? Alors, moi, je le comprends comme une méthode de communication qui est basée sur la notion d'authenticité et de bienveillance. Comment est née la communication non violente? Alors, c'est un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui est né en 1934 et qui a monté lui-même cette méthode, qui est devenue vraiment un labellisé dans les années 80. L'idée de non-violence, c'est l'idée de communiquer sans nuire, c'est-à-dire sans juger l'autre ou soi-même, sans faire des reproches, ni culpabiliser, ni passer par la peur. L'idée, c'est de créer une connexion à soi et aux autres la plus authentique possible, que Marshall Rosenberg peut qualifier de cœur à cœur. Comment ça va se concrétiser? La démarche type de la CNV, communication non violente, c'est la démarche OSBD, c'est-à-dire qu'on va partir de l'observation des faits, puis exprimer les émotions, les sentiments que l'on éprouve par rapport à ces faits. On va exprimer les besoins qui sont derrière et puis faire une demande. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de mettre un jugement du style « Ah, elle est vraiment feignante », on va dire que cette semaine, Martine est venue tous les jours avec 15 minutes de retard au travail. Ça m'agace, c'est ce que je ressens. J'ai besoin de fiabilité. Et après, on va pouvoir formuler une demande, mais ça, c'est un peu plus long. On fera une chronique exprès sur la demande, comment on construit une demande en mode communication non violente. L'OSBD. C'est ça. Vous pouvez trouver sur Internet le bonhomme OSBD avec un petit dessin qui utilise ses lettres. Et puis, il y a deux figures emblématiques de la communication non violente. C'est la girafe et le chacal. La girafe qui a... Ouais, c'est Marshall Rosenberg qui a trouvé ces images avec des petites marionnettes qu'il utilise. Girafe parce qu'elle a un grand cœur pour pouvoir pulser jusqu'à... Oui, en haut de son tête. Cou, et justement parce que aussi avec son long cou, elle prend de la hauteur sur les choses. Mm-hmm. Et le chacal, lui, qui est plus en mode agressif, jugement, culpabilisation. Donc souvent, nous, on peut parler en mode chacal quand on se juge ou qu'on juge les autres, et on est invité à prendre un peu de hauteur de temps en temps et à être et passer de temps en temps en voilà en mode girafe. Et donc il y a des mots clés comme ça, observation. Émotions, besoins, et puis les techniques d'auto-empathie dont on a déjà parlé, d'écoute active dont on a déjà parlé, et de messages clairs dont on parlera lors de prochains podcasts, quoi. Bien sûr, et on vous invite bien sûr à aller réécouter les chroniques précédentes qui sont disponibles en podcast sur le site de la radio, notamment, oui. Et aussi sur ton site. Oui, et n'hésitez pas à faire remonter des questions si vous avez envie qu'on précise certaines choses, qu'on revienne dessus. Le site de Noémie, c'est lesoutilsdenoémie.fr. Parfait. Merci Noémie. Merci. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.